Frères et sœurs, nous sommes toujours sur la montagne avec Jésus. Vous vous souvenez, hier, nous avions vu Jésus. Au bout de 3 jours, il venait de parler sur ce grand discours sur la montagne à côté du lac de Galilée, le mont des Béatitudes. Pendant 3 jours, il parle et puis, à la fin, il avait donné à manger à tout le monde avec ses pains venus du ciel qu'il avait multipliés et qui lui avait permis de nourrir 5000 hommes, ramasser 7 paniers pleins ensuite. Enfin, donc tout ça était merveilleux, magnifique, puis nous avions vu tous les miracles que Jésus avait faits, toutes les guérisons de tout genre. Et puis, il avait envoyé tout le monde, mais certainement que les gens qui étaient là s'étaient approchés de lui et ne voulaient pas partir, et disaient « Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, continue de faire des miracles, continue de faire des pains là, pour qu'on n'ait plus besoin de travailler. Seigneur, Seigneur, continue d'enlever toutes les maladies, pour qu'on n'ait plus à souffrir. » Et voyez, le Seigneur Jésus dit, mais ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Il remet les choses dans les bonnes perspectives. Il dit, voilà, c'est pas l'important, ce n'est pas qu'il n'y ait plus aucun problème sur la terre. L'important, c'est que vous entriez dans le royaume. Que votre cœur soit sous l'autorité divine. C'est ça, entrer dans le royaume. C'est ça qui est important. Et c'est pas en disant « Seigneur, fais des miracles » qu'on entrera dans le royaume. Les miracles sont un signe que le royaume est là. Mais si nous n'entrons pas dans le royaume, nous n'aurons pas de miracles. Et l'important n'est pas que nous ayons des miracles. Et il dit, pour entrer dans le royaume, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ah ! Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Bien, Jésus va expliquer, celui qui entend toutes ces paroles-là, qui ne les met pas en pratique, quand on écoute les paroles de Jésus, ben simplement, il nous fait accepter la volonté de Dieu dans ses paroles. Et nous, il veut que nous soyons prophétiques comme ça, c'est-à-dire en acceptant ce que Dieu nous donne de vivre pour aujourd'hui. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se manifeste dans le réel. Les paroles de Jésus sont là pour nous faire accueillir le réel que Dieu nous donne, nous le faire accueillir de la meilleure manière, en rendant grâce pour ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, les situations concrètes de nos vies, Dieu les a permises. Alors parfois, eh bien, nous les avons influencées et nous avons fait un peu n'importe quoi, et Dieu va corriger les choses. Mais ce qu'il veut corriger d'abord, c'est notre cœur. Les situations concrètes, elles resteront ce qu'elles sont. Et il ne faut pas croire que Dieu va tout changer, puisque tout ce qu'il a permis, c'est sa providence qui l'a permis. Alors il ne va pas changer les desseins de sa providence. Non, ce qu'il veut, c'est que nous accueillions, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait à travers ce que nous vivons. Ah, nous n'avons pas le meilleur travail que nous rêverions. Alors on va chercher d'autres choses. On va essayer de construire sa vie selon ses petits plans, ses petites vues. Au lieu d'accueillir humblement ce que Dieu nous donne. On voudrait ne pas être malade. Alors c'est sûr, il faut se battre contre la maladie. Mais parfois la maladie est là et il faut l'accepter. Et le Seigneur sait ce qu'il fait à travers ça. Parfois nous n'avons pas le meilleur travail du monde, nous n'avons pas la meilleure famille du monde, alors on voudrait tout changer. On voudrait changer de mari, on voudrait changer de femme. Parce que, ben voilà, ça ne marche pas exactement comme ce qu'on avait rêvé. Alors que le Seigneur nous demande d'accepter cette situation. Parfois il faut serrer les dents un peu. Il faut être patient, il faut traverser des épreuves. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait que s'il a mis la providence, si la providence a mis les choses telles qu'elles sont, c'est parce qu'il veut, à travers ces choses que nous vivons, nous faire entrer dans le royaume. Et qu'entrer dans le royaume, ça n'est pas écarter tous les problèmes, c'est accueillir la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors voyez ce qu'il va dire après. Celui qui a construit sa maison, celui qui met en pratique ce que je lui dis, c'est-à-dire qui accueille le réel tel que je lui présente, celui-là, il a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire il bâtit sa maison sur la volonté de Dieu. Et alors, vous comprenez, les vents pourront souffler, la tempête et les torrents pourront dévaler. Eh bien, comme on est hanté dans le réel, eh bien, ça tiendra debout. Alors que si on cherche à faire sa vie selon ses propres vues, On est comme un homme qui construit sa maison sur le sable, sur ses petites idées changeantes. Un jour ci, un jour ça. Celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là. Et à ce moment-là, eh bien, il bâtit sur du sable. Et donc, quand les tempêtes de la vie vont arriver, quand le grand chambardement de la fin du monde va débarquer, comme les tempêtes et les torrents vont dévaler, tout va s'effondrer, puisque c'est fondé sur des pensées humaines, sur des sentiments d'un moment. Ça ne tiendra pas. Alors le Seigneur, vous voyez, ce qu'il veut, c'est nous éviter l'écroulement. Au contraire, il veut que nous soyons solides et nous dire toujours que oui, la vie terrestre, elle dure un temps, mais ce qui est important, c'est que nous entrions dans le royaume. Nous entrions dans les vues de Dieu, sans chercher à tout changer par nous-mêmes, en laissant Dieu changer notre cœur pour que nous puissions arriver de l'autre côté, là où il nous attend, dans le bonheur éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.